Melissa, a legal igual. Yo, Doc P. Melodix Production. Jelissa, Timon. Yeah. Yeah. Oh. Kafrina sont à milliards, donc si vous voulez, on peut crier à moi, baby. Yeah. Avec les atouts, n'a pas le feeling, donc c'est à moi pour lancer mes idées. Kafrina, inquiète, mamie, répond à ton appel ou la vie, mi. La tête, il faut et en plus à mon avis, mi. Mais pas comme les autres, mille et un autre camé. Mi, ou bien clé dans ton jeu, même si mon ciel est camé. C'est vrai, tous les sexy veulent pas juste ton fesse, girl. C'est moi ton prince et c'est toi ma princesse. C'est vrai que les sexy veulent pas juste ton fesse, girl. Laisse ça où aller sans moi, pas besoin qu'on se presse. Nous qui danser, balancer en dap. Tout le temps et nous qui zouker, lové comme dap. Où dit qu'on veut danser, rassa comme dap. Toute la nuit, tout veut zouker, lové comme dap. Trouver un autre comme pour moi, les dieux, c'est où la perle. Mi vais si ou Kafrina, donc pas besoin ou la perle. En ça, c'est où, en ça, moi, Kafrina, point d'autre. Dès comme on a point d'autre. Y'a ma ou mon cap, mi est-ce pas qu'elle a point d'autre. Oh, pour où mi sera au top. Pour où mi sera au top. Dis-moi, tu me donnes chaud. Tu me donnes chaud. Let it say no.